s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo, vous êtes sur le 107FM. Alors c'est un rebonjour à tous et donc on voudrait nous excuser. Donc voilà pour ces aléas, donc nous avons eu un petit souci technique donc sur l'antenne, hein, une coupure de courant. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc mais restez avec nous, on se retrouve bien sûr. Alors donc je fais un petit coucou à tout le monde, bien sûr, tous ceux qui nous suivent sur le web, bien sûr. Donc plus de 500 personnes ont vu la publication pour cette émission. Merci à tous. Rebonjour le Québec, la Suisse, la Belgique, l'Italie. Un petit coucou au fan club des années bonheur. Donc bonjour Marc. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne avec la plus belle musique jusqu'à 17h30 en direct. Pour ce jeudi, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Philippe Savana, auteur, compositeur, interprète, un chanteur romantique avec nous cet après-midi dans les studios, qui va nous parler de son univers artistique et nous présenter son tout dernier album « Entre nous ». Avant de rejoindre mon invité, donc n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio ainsi que sur la page Gilles Mougel officielle. Je fais un petit bisou à mon équipe. Bien sûr, je transmettrai les messages à l'antenne à mon invité. Je vous attends aussi au standard au 03 29 62 40 40 pour un petit bonjour sur nos ondes et pourquoi pas interagir avec mon invité que je retrouve maintenant. Bonjour Philippe. Bonjour Gilles. Comment vas-tu? Écoute, très bien, très bien. Ça va bien. Voilà, la forme, voilà, tu es bien arrivé jusque-là, jusque chez nous. Très bien arrivé. Très bien arrivé. Et alors, comme je te l'ai dit hors antenne, très bien accueilli, ouais, avec toute ton équipe. D'accord. Un grand merci à eux. Bien sûr, ok. Donc moi je te remercie aussi de ta présence dans nos studios, ça fait plaisir. Ah bah écoute, ça fait plaisir. De te voir, et puis bien sûr on va parler de belles chansons, de la chanson romantique. Tout à fait. C'est ce qu'on aime bien. Hein. Donc toi en tant que chanteur, bien sûr, compositeur, voilà. Moi en tant qu'animateur, parce que la chanson romantique, c'est dans les années bonheur. Il n'y a pas de problème, comme tous les jeudis. Voilà. Alors, je disais donc, voilà, j'ai ton album tout frais, Philippe, que j'ai dans les mains, là, qui est sorti très... Tout à fait, il y a très peu de temps, hein, on va dire. Un petit mois, je dirais, qu'il a été commercialisé. D'accord. Et voilà, qui a une bel avenir, je pense, devant lui. Ouais, je pense aussi, et on fera en sorte, parce que bon, là, on va faire bien sûr cette interview ensemble. Voilà, tu vas nous faire découvrir ton univers. On va parler un petit peu de tes débuts, tout ça, bien tout sûr, hein, de ce que tu as fait déjà auparavant. Ah ouais. Hein, voilà, on va essayer de dévoiler toute ma vie. Voilà, on va pas avec des petits secrets, on va pas tout dire. Voilà, tout à fait. Voilà, puis bon, bien sûr, on parlera de ce cet album. On écoutera bien sûr quelques chansons, hein, voilà, que j'ai choisi quand j'ai écouté cet album. Mais voilà, donc je te dis pas en fait la playlist, on verra tout à l'heure. Mais je te fais confiance, hein, connaissant tes goûts, t'as dû choisir. J'espère, tu me diras à la fin de l'émission comment je te dirai, hein, si c'est bon, voilà. Alors Philippe, donc t'es tout début dans la musique, ça se passe comment? Alors je dirais quand j'ai démarré très très jeune, hein, mine de rien, à l'âge de 6 ans, j'étais baigné par les parents, on va dire, la maman qui était musicienne amateur, et bien sûr les parents qui adoraient danser à droite et à gauche, et voilà, c'est là-dedans que j'ai baigné, et je suis tombé, on va dire, amoureux de la variété française internationale, et tout doucement je m'étais intéressé un petit peu à faire un instrument de musique. Et c'était le clavier qui m'avait intéressé en premier. En premier, d'accord. Et jusqu'à présent, je suis resté donc sur ce domaine-là, clavier-piano. Et voilà, c'est l'instrument que je préfère à l'heure présent. Et voilà, et tout doucement, ben, on va dire, les années ont passé et après, les débuts de scène. Début de scène, d'accord. Ouais. Donc, tu as pris des cours de... Donc, c'est du piano, hein, c'est ça, tu parles. Alors, à l'époque, ben, ceux qui sont de ma génération, à l'époque, c'était pas ces claviers arrangeurs qui existent aujourd'hui, c'était de l'orgue. Avec bien sûr des pédales aux pieds. Ah oui, ok, et je vois ça. Ouais, ouais, aujourd'hui, si tu me demandes de jouer, je pourrais dire qu'il me faudrait quelques heures pour me rappeler comment utiliser les pédales. D'accord. Mais sinon, voilà, c'est que je dirais, c'était de l'orgue et on va dire, certes, un instrument, on va dire, magnifique, mais ouais. Aujourd'hui, quand tu vois ce que la technologie fait. Ben oui, c'est sûr. Ouais, c'était un peu ce style d'orgue qu'on trouvait un petit peu dans les années 80. C'est ça. C'est beaucoup dans les chansons des années 80. Tout à fait. Hein, c'est ça. Ben voilà, les fameux orgues Harmond. Harmond, voilà. Tout okay, à fait. Oui, okay, oui. Ça, c'est de nom, c'est un son, mine de rien, qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui. Oui. Dans différentes chansons. Ça revient un petit peu. Ça revient peut-être un petit peu. J'ai déjà pensé dans le prochain album de remettre ces sons qui sont un petit peu oubliés. D'accord, ok, ouais. Donc, comme tu disais, c'est souvent, c'est beaucoup pour beaucoup d'artistes. Hein, souvent, c'est les parents qui sont, qui sont un peu musiciens ou chanteurs. Enfin, le papa il chante ou la maman elle est musicienne, etc. Ça vient souvent comme ça. Et je dis souvent, les parents nous transmettent cette passion. Est-ce que aussi, c'est héréditaire ou pas? On ne sait pas. Dans les gènes, hein, pourquoi pas. C'est vrai que voilà. Ouais, si je prends on va dire mon cas moi. Oui. Certes, les parents j'ai un petit peu hérité des parents, mais mes enfants a priori non, pas vraiment leur tasse à café. Non, ça va pas. Autant ils écoutent ce que je fais, ils adorent même la variété française, mais instrument de musique quoi que ce soit. Ouais, non, pour l'instant c'est pas. Mais bon, ça viendra peut-être un peu plus tard, c'est en jamais. Tout à fait. Ça peut parce que je suppose que tu as des, je suppose que tu as des jeunes enfants. Tout à fait. Hein, donc voilà, peut-être après ça va peut-être venir. On verra. Suivre le chemin du petit peu du papa. Je l'espère. Bien sûr. Alors est-ce que Philippe, on peut te mettre dans la catégorie chanteur de charme? Alors est-ce que ça va avec le... On peut parce que comme j'ai pu t'en parler déjà hors antenne, c'est j'adore chanter les chansons d'amour. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce que moi personnellement je trouve. Alors aujourd'hui, avec tous les soucis qu'on a, oui, c'est ça. Tout à fait, c'est voilà, une petite tendresse comme époque. Ça. C'est ça fait du bien. Alors je on dit tout à l'heure aussi. je veux dire c'est ce qu'on n'entend plus trop maintenant. Tout à fait. La belle chanson romantique comme ça. Tout à fait. C'est ce que j'aime chanter et bien sûr apporter au public. Oui. On va dire le temps d'une soirée ou d'une prestation, peu importe la durée. Oui. Mmh. C'est ce petit temps-là, les faire un petit peu oublier leurs soucis, leurs tracas du quotidien. Bien sûr. Et c'est vrai que ça marche. Comme tu le dis, là, ça me fait penser à une de tes chansons, mais on en parlera tout à l'heure. Hein, on ne va pas tout de suite dévoiler. Ne dis rien, On en parlera tout à l'heure. Non, c'est par rapport aux paroles et tout. Tout à fait. Voilà, ça m'a fait tilt, là. Alors, on va écouter une première chanson. Philippe, hein, si tu veux bien, tu nous en reparles après. Et bon, j'ai choisi pour ce premier titre, « Danser ma vie ». Plein d'étoiles, rêve de la plus belle plage de sable au soleil, rêve, n'arrête pas de rêver, rêve, demain on peut s'en aller, toi et moi, tout quitter. Par amour, mon amour, viens, je t'emmène danser dans ma vie. On va s'éclater, c'est promis. Comme deux enfants qui n'ont plus peur de rien. Et allez, viens, je t'emmène danser dans ma vie. On va s'inventer. Garde les yeux grands ouverts, Voilà, danser ma vie, donc Philippe Savana sur nos ondes après-midi, cet après-midi sur Radio Gamozo dans les années bonheur. Voilà Philippe, on se retrouve là. Donc voilà, premier titre, danser ma vie, voilà, c'est voilà, bien, tout ça, à fait. Ça rythme un petit peu, tout ça c'est... Ben, ça, c'est un très beau titre qui fait partie de ce fameux titre de cet album. Album donc qu'on précise qui s'intitule Entre nous. Tout à fait, Entre nous. De le préciser non, moi tout à l'heure, Entre nous, hein. Et voilà. C'est vrai que c'est une très très belle chanson, on va dire, avec un ami que tu connais très bien, Thierry oui, Brenner, Thierry, qu'on le salue, je pense, qui a écrit les textes de tout l'album. Ouais. Et c'est vrai que sur cette chanson-là, en l'occurrence, quoi que même sur presque toutes, j'ai laissé libre choix de, on va dire, à Thierry de choisir les mots. Bien sûr, l'ordre du jour que je lui ai donné, c'était amour, amour, oui, amour. Oui, bien sûr. Puis je pense que Thierry, dans ce registre-là... Ah, il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Hein, donc on peut le saluer, Thierry, on peut lui faire un petit coucou. Si Thierry, tu nous écoutes... S'il nous écoute, si toutefois il ne nous écoute pas, bon, il y aura le podcast. Voilà, ouais. Voilà, je pense que... Voilà, ok, puis bon, voilà, donc on parlera d'un autre ami tout à l'heure. Alors, donc Philippe, à 16 ans, tu fais tes premières prestations. Voilà. Tu commences à faire des prestations à 16 ans. J'ai commencé donc à monter donc sur scène et c'était même pas prévu à la base parce que c'était une simple réunion de famille, un petit anniversaire. Et c'est quand j'ai vu les gens s'amuser et danser sur ce que j'interprétais, ouais. Je me suis dit, ah, c'est chouette, ça leur plaît ce que je ça fais. Plaît. Et là, de but en blanc, au départ, c'est vrai que c'est comme beaucoup et tout, beaucoup d'artistes, on le prend un petit peu à la rigolade. Oui, oui, bien sûr. Et c'est là que, tout doucement, j'ai pris goût de voir les gens s'amuser, danser, des choses comme ça. Que de but en blanc, j'ai pris les choses plus au sérieux. Ouais. Et commence à monter des petites formations et oui, voilà. Au début tu fais un petit peu je dirais danser les amis, la famille, enfin tu fais un petit peu animer là. Et là je pense pour les amis, la famille, que tous les musiciens artistes, oui, qui nous écoutent, oui. Ça va les rappeler de bons souvenirs, oui. C'est que quand on se lance la toute première fois, on n'a aucun répertoire, mais on joue, excuse-moi du terme, mais n'importe quoi, ouais, d'accord. Une marche, une valse, sans faire vraiment de série complète, oui. Et c'est vrai que aujourd'hui on en rigole. Quand des bonnes années, c'est vrai que c'est amusant. Donc il y avait aussi, on en a parlé un petit peu en aparté aussi, il y avait aussi bien sûr les balles. Tu as fait aussi les balles dans ta région, je pense. Alors, j'ai écumé beaucoup de salles. Beaucoup de salles, voilà. Ouais, ouais. Mmh. Énormément de salles, des petites, des grandes, des moyennes, bref. Ouais, tout ouais, ce ouais. Qui... Mmh. Et c'est vrai que aujourd'hui, comme tu le sais très bien, c'est que je reste encore un petit peu le musicien de variété, mais je m'oriente donc. Plus dans la chanson en tant qu'auteur-compositeur. Plus abouti dans un registre, bien sûr, comment je veux dire, donc... personnel. De chansons, ouais, personnel, voilà. De chansons, comment je veux dire, romantiques, de chansons de variété, comme tu aimes bien. Ah voilà, c'est... tout à l'heure. Mais je te dirai un secret un peu plus tard. D'accord, mais okay, tu verras. Non seulement à toi, mais bien sûr à tous les auditeurs. À tous les auditeurs, voilà. Nous aurons une surprise, secret. Un petit secret. D'accord. Donc pour toi les balles comme ça que tu as écumées, pour toi c'était une bonne école pour la suite. Écoute, c'était une très très bonne expérience, voilà. Parce que déjà c'est une approche publique. Je pense que on va dire le domaine du bal, de la scène, parce que ça reste quand même une scène. Oui. Quand on fait du bal, je dirais, on ne triche pas avec un public. C'est-à-dire que s'ils voient que le musicien, bah voilà, il donne à 200% et bah, qu'il anime toute une soirée 5 heures de musique, parce que ce qui n'est pas rien. Hein. Ah, c'est pas rien, oui, c'est sûr, il faut tenir. Il faut tenir, je me doute bien. Et, et c'est vrai qu'on va dire, aujourd'hui, bah, j'ai le retour de ce public de Bâle. Oui. Et bien sûr, tout un nouveau public maintenant qui me suit en tant que chanteur. En tant que chanteur, ouais, c'est bien. Non, mais c'est vrai, comme tu disais, c'est vrai qu'il faut tenir, sur une scène comme ça, jouer 5 heures de temps. Ou même, je veux dire, si je prends généralement un artiste qui fait un concert de 2 heures de temps, peut-être les gens, des fois, ne se rendent pas compte, mais c'est physique, je veux dire. C'est physique, c'est intense. C'est physique, hein. C'est intense. Hein. Bon, bien sûr, on se dit, tiens, bah, voilà, il y a un chanteur, voilà, il chante, c'est cool. Non, mais c'est intense. Hein. Ouais. Et alors, bien sûr, il y a un truc, on va dire, c'est quelque chose que tous les artistes, chanteurs, musiciens connaissent, c'est ce petit trac, mais qui n'est pas un trac, en fin de compte, c'est la petite adrénaline qui nous pousse, de nous donner à 100%, 200%. Sûr, ouais. Et ça, c'est vrai que bah, c'est le petit truc qui manque à chaque fois que, bah, en fin de prestation, qu'on se dit, ah bah c'est déjà fini. Oui, d'accord. Non, ah, ça oui, recommence. On est épuisé, mon ami, okay, ça recommence. Ouais. Donc, on a parlé de Bâle. Donc, alors en 95, donc, tu es avec 4 musiciens, tu formes le groupe Phil Band. Oh oui, ah, c'est ça, c'était une belle année, voilà, une belle année, ça. C'était 95, hein, voilà. Tout à fait, c'était voilà, le premier, je dirais, orchestre que j'ai monté, ouais, avec de très bons musiciens. Mais malheureusement, ben, quand on dit, même on a beau avoir de très bons musiciens, ce qu'il faut vraiment, c'est, je dirais, prendre les choses au sérieux. Et c'était pas le cas, malheureusement, de tous, c'était plus je me produis, je joue quand j'ai envie, oui, ce qui n'était pas le but. Ah bah bien sûr, oui, là c'est pas... Et bon voilà, bah, on va dire la formation, bah, c'est un petit peu raccourcé très vite, et voilà, ouais. Je suis passé après à autre chose. Il faut que tout le monde soit, c'est vrai, je veux dire, que tout le monde soit uni, enfin, tout le monde soit bien... Bah, pour que ça fonctionne bien. Tout à fait. Hein, faut que voilà si. Et tu sais ce qui est amusant, c'est on va dire à cette époque-là, j'étais encore très jeune. Oui. C'est que bah, sur les 4 musiciens, je dirais 2 étaient mariés. Et ce qui pose problème aussi, c'est les femmes. Ah d'accord. Eh oui, bah, excusez-moi mesdames, mais tu vas t'attirer des foudres là. Non, je plaisante. Non, c'est vrai que. Non, elles te diront rien parce qu'avec les chansons qu'on va écouter. Ah bah alors là, je serai pardonné. Tu seras pardonné. C'est vrai que on va dire être femme de musicien, c'est parfois très très dur. Oui, c'est sûr, ça doit pas être évident. Alors c'est pas évident. Là, je rebondis aussi encore sur une de tes chansons. Voilà, on en parlera aussi. J'espère qu'on aura le temps. Voilà, on bavarde un petit peu. Il faut bien. Hein, puis j'espère qu'on va avoir le temps d'écouter. Je rebondis sur une de tes chansons aussi là que tu as donc composée et puis donc écrite par Thierry. Hein, je ne sais plus c'est laquelle. Bon, après. Ah, donc, je suis désolé, il m'a pas donné la liste. Hein. Oui, non. Je peux pas l'aider. Non, je sais, c'est laquelle. Mais voilà, ça parle un petit peu de. C'est vrai que c'est pas évident d'être peut-être aussi d'être femme d'artiste. Tout à fait. Ou alors, bien sûr, l'inverse aussi. Hein, c'est. Et vice versa, oui. Parce qu'il voilà, y a aussi des très très belles chanteuses. Et vice versa aussi, c'est vrai que c'est pas évident. Donc moi je dis souvent quand je prépare l'émission tu vois ben voilà je suis dans ma petite bulle. Bon c'est vrai que j'ai le temps, je ne suis plus enfin je ne travaille plus, enfin je suis je suis actif quand même, mais bon je veux dire voilà on est dans notre petite bulle, des fois c'est difficile pour nos compagnes etc. parce que voilà on est voilà on prépare bah, faut trouver le juste milieu. Oui, il faut trouver le juste milieu, c'est pas toujours évident, c'est vrai que voilà, mais bon c'est comme ça. Alors je propose qu'on écoute dis-moi laquelle, un deuxième titre. Alors on a parlé un petit peu des femmes tout à l'heure, tu viens d'en parler tout ça fait. Alors j'ai choisi en deuxième titre Qu'y a-t-il dans le cœur d'une femme. Ouh. Voilà, on écoute. Passer des heures à ça, décrypter les signes que l'amour vous envoie. Malgré mes efforts et mes nuits sans sommeil, je n'ai pas su comment pénétrer vos rêves. comme bien des hommes, j'ai tenté d'accéder au jardin secret, là que vous abritiez. Malgré mes efforts, je n'ai pu y entrer. Vous aviez pris soin de cacher la clé. Qu'y a-t-il dans le cœur d'une femme, pour aimer de cet amour autant? Qu'y a-t-il dans le cœur d'une femme, qu'aucun homme ne peut percer vraiment? Qu'y a-t-il dans le cœur d'une femme, pour aimer de cet amour follement? Qu'y a-t-il dans le cœur, dans vos cœurs, la médaille qui nous rend accro depuis longtemps? Qu'y a-t-il dans le cœur d'une femme? Oh, ça c'est un... Bah, je pense que le titre en parle, on dit oui, beaucoup. Ouais, on dit beaucoup, rien. Oui, c'est vrai que parfois, mesdames, quand je suis en prestation ou sur scène, c'est vrai qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Parce qu'on n'arrive pas, comme le dit la chanson, à pénétrer, à savoir ce qu'il y a dedans et tout ça. Elles ont leurs petits secrets qui... Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, oui. Alors, je repense à une chanson de Jean Ferrat qui disait « La femme est l'avenir de l'homme ». Tout à fait. Hein, voilà. Tout à fait. Donc voilà. Mais c'est une interrogation quand même. On verra sur. Et comme je le dis parfois souvent aussi, c'est que sans eux, sans elles, sans elles, nous, on serait rien, mine de rien. Ça, C'est vrai qu'on compte beaucoup sur nos femmes. On le reconnaît. On le reconnaît. On le reconnaît. Tout le monde le reconnaît pas. Alors, donc Philippe. 2001, en 96, je reviens rapidement sur ta bio quand même. Donc, création d'un duo avec ton frère, oui, Michel, avec lequel vous écumez de nombreuses salles. Avec Michel, on a fait énormément de salles, de prestations, ça, sur tout le Haut-Rhin. Oui. Et c'est vrai que la vie a voulu ainsi qu'un jour, à un moment, ils me disent, écoute Philippe, j'ai envie de passer à autre chose, tout simplement. C'était son choix personnel, et je le respecte. Et bien sûr, j'ai donc décidé de faire Cavalier Seul. Oui, bien sûr. Et la route a continué. En solo. Après, il fallait trouver donc un nom de scène qui pouvait accrocher le public. Et voilà, j'ai fait donc Cavalier Seul avec Philippe Savana. Aujourd'hui, il n'y a que des belles choses qui m'arrivent, tu le sais aussi bien que moi. Bien sûr, C'est que de belles rencontres, j'en passe. Ouais, c'est vrai. Donc, 2007, un premier album. Ah, 2007, Balade romantique. Ah, oui, c'est vrai que on arrive. C'était, j'avais envie d'un album avec les chansons que j'aime chanter en public, tu vois. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, Balade romantique. Je dis, c'est bien, chanter des chansons de balade. De balade, C'était mon petit album. Ça, c'était des reprises. Que des reprises, d'accord. Ouais. Et de belles, parce que je pense que tu as vu les titres. Ah oui, déjà, je vois Mike Monk, Sardou, Daniel Guichard. Plus que tu as mis. Exemple, celle de Daniel Guichard qui est magnifique, Mon Vieux. Ah, Mon Vieux, c'est une belle chanson, ça. Ah, et celle-là. C'est vraiment un grand succès, ça. Voilà. Ah oui, c'est beau, c'est vrai que. Et puis c'était toutes des belles chansons, je dirais, de ces années 70. Hein, tu sais, les années 70, tout ça, j'en parle souvent aussi parce que j'étais ado. Souvent, mais c'est vrai, c'est de belles chansons. Alors, il y en a malheureusement qui ont disparu. Hein, tout à fait. Et puis, bon, après, il y a ceux qui ont traversé les décennies, qui ont quand même réussi à traverser les modes aussi, hein, bien sûr, et tout ça. Quoi, ce qui est amusant, c'est que souvent, les gens, quand je chante une chanson des années 60, ouais. qui me disent. Philippe, tu étais même pas né à cette époque-là. Ah oui. J'ai dit, mais c'est pas grave. Ouais, ouais. J'ai dit, j'adore. Ouais. C'est bien, c'est vrai que. Mais ça revient beaucoup quand même. Je veux dire, les gens aiment bien. Quand mais même, on aujourd'hui, trouve, hein, mine de rien, quand je vois. Après, il en faut pour tous les goûts, tout à fait. Bien sûr, mais ça revient, je trouve, moi. C'est vrai que même quand je sors, ce n'est-ce que voilà, pour me reposer un petit peu au n'importe dans différentes oui. manifestations. C'est quand tu vois même la jeunesse d'aujourd'hui oui. Qui s'amuse et qui danse des danses de salon et que j'apprécie beaucoup oui, sur oui. des chansons des années 50, 60 oui, bien sûr. Et qu'ils adorent ça ouais. Je me dis mais c'est magnifique. Oui c'est vrai, ouais, parce qu'on pourrait penser, bon après il y a différents artistes etc, mais c'est vrai qu'on pourrait penser que la jeune génération ne s'intéresse pas ah, c'est ce style de chanson là, mais bon, s'il y en a quand même, il y en a voilà, quand c'est même. C'est pour ça que on va dire c'était puis, le choix de mon premier album. Voilà, vois, voilà de... bien sûr. Ouais, Et puis, bien sûr, comment je vais dire, bon, même les années 80 aussi. Hein, bon, les années 80, ça reste aussi indémodable. Indémodable, hein, c'est ouais, vrai oui. que là-dessus, c'est formidable quoi. Et après, bon, c'était, enfin, pour moi, c'était moins bien. Bon, après, il faut, c'est le voilà, choix. C'est les goûts et les couleurs, malheureusement. Ouais. C'est vrai que, voilà, quoi. Alors, on écoute une troisième chanson, Philippe ? Si tu veux bien. Donc, j'ai choisi Joanny. Voilà, Joanny. Oui, vas-y, tu peux en parler maintenant, comme tu veux, hein, ou après la chanson. Écoute, on l'écoute, d'accord, et puis on en parle après. Sable dans l'allée, tout est resté pareil. La porte pas fermée, j'ai jeté la clé. Y'a qu'à la pousser et faire entrer ton soleil. C'est plus c'est vrai, quelle heure il se fait, et quelle saison on est, le temps s'est arrêté, pousser tes fleurs, faut voir ça mon cœur, comme si le bonheur s'inviter. Voilà donc Joanie. Alors je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Bonjour. Oui, bonsoir les Vosges. Ah, bonsoir. Ah, c'est une voix qu'on connaît, c'est ça. C'est une voix qu'on connaît, ça. Salut Thierry. Ah ben, bonsoir Thierry. J'allais vous faire la surprise quand même. Ah bah oui, j'y pensais un petit peu, remarque. Tu sais, j'y pensais un petit peu. C'est gentil. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. On a eu quelques petits soucis parce que nous, on écoute par Internet à l'autre bout de la France. Oui, bien sûr, il y a eu. Dans le Poitou. Et donc, c'est vrai qu'on a eu des petits problèmes pour vous avoir. Bon, bah, maintenant, apparemment, c'est rétabli. C'est résolu, oui. On a eu des petits soucis techniques. Chez nous, une coupure de courant, voilà, tout simplement, qui nous a un petit peu ralenti, mais un c'est petit vrai peu que... ralenti. On voilà. S'amuse bien en studio, alors ça va. Oui, mais je m'en doute. Bon, eh ben, je suis ravi de vous entendre tous les deux, et puis ravi aussi de voir que l'album plaît à beaucoup de gens. Donc ça a été un bonheur de l'écrire, en tout cas avec Philippe qui l'a composé de manière merveilleuse. Ah bah Thierry, de toute façon tu sais, bon, ça te le sait très bien parce qu'on en a déjà discuté au téléphone. Ça, oui. Le bonheur il est partagé parce qu'on a une équipe derrière qui a œuvré pour cet album et travail il est magnifique. Ben c'est une équipe qui s'est vraiment trouvée. Il y a eu de belles choses. Il y a des moments comme ça où le dessin fait bien les choses et nous a réunis. Je sais pas si tu as déjà parlé de la surprise sur l'album, mais je pense que vous l'entendrez certainement tout à l'heure, le duo. Oui, on va l'entendre. Oui, voilà, Thierry. On n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'il est à l'écoute. N'en dis pas trop. Peut-être Colmar. Je pense qu'il manquera pas de, se manifester. D'accord. Bon. Toute façon, c'est toujours un plaisir, hein, Thierry. Tu sais, bon, je veux dire, voilà, quand je reçois des artistes avec lesquels tu travailles. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Je l'expliquais rapidement à Philippe tout à l'heure. Nous avions fait ensemble une émission. Tu te souviens, il y a 2 ans, je crois, où j'avais envie d'inviter un auteur. Donc voilà, toi, et que tu nous parles un peu de ce métier, d'auteur. Et tu sais qu'à le dernier trimestre, j'ai terminé toutes mes émissions avec des artistes avec lesquels tu as travaillé. Ah, mais d'accord. Mais c'était grâce à toi, ça. C'était toi qui m'as mis en contact. Mais pas 24 heures sur 24, quand même. Ah, non, pas 24 heures sur 24. Mais je n'ai que 2000 chansons. Hein. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du bonheur. Enfin, je pense pour nos auditeurs, bien sûr, auditrices. Oui. Et puis pour moi, en tant qu'animateur, et je dis ça rentre bien dans mon émission, Les Années Bonheur. Voilà. Oui, voilà, c'est toujours été du plaisir. Et puis bon, aujourd'hui, avec Philippe qui est à côté de moi, voilà, en studio, c'est formidable. Ah, mais Philippe est devenu carrément un ami. Hein. C'est vraiment. Ça dépasse le stade de travailler ensemble. Il y a une vraie amitié avec les gens avec lesquels je travaille en général. Ah bah oui. Et j'attends ça aussi des artistes, c'est qu'ils soient humains avant tout, en fait. C'est ça, c'est justement ça que Thierry, voilà, il a tout dit, je dirais, en quelques mots. C'est que voilà, c'est une grande famille. Et c'est vrai que on marche dans le même sens et il y a un respect total, que ce soit de l'auteur ou du compositeur. Et voilà, malgré les kilomètres qui nous séparent, je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne pense pas à l'autre, hein, mine de rien. Oui, mais en fait, il y a des espèces de fluides, il y a des énergies, comme par exemple pour cette chanson. Quand Philippe m'envoie la composition de cette chanson, oui. Je trouve spontanément le prénom. Et je dis, on va faire une chanson, moi j'entends dans ma tête Joanie. Thierry. Et tu peux expliquer ce qui s'est passé après quand tu m'as dit, mais c'est incroyable. Alors juste pour en revenir, Thierry, comme ça, voilà, le petit secret que je veux sur cette chanson-là, oui. C'est que je pense que tu vas me rejoindre. Oui. C'est qu'à la base, quand j'ai envoyé à Thierry, oui. J'ai demandé à Thierry, voilà, Thierry, j'aimerais bien l'appeler Olucie. Tu te rappelles, Thierry? Oui, tout à fait. Et Thierry m'a dit, non, pas du tout, Philippe, Olucie, non, ça passera Philippe, pas. Ça voilà, a été c'est, fait déjà. Ça a été, voilà, le terme Lucie a été déjà fait. Et j'ai dit, bon, Thierry, qu'est-ce que tu me proposes? Et c'est vrai qu'il m'a dit, laisse-moi réfléchir, je vais trouver. Et il m'a sorti donc le titre de Joanie. Joanie, oui, c'est... J'ai dit à Thierry, Joanie, c'est vrai, bon, moi j'étais pour Lucie, mais bon, allez, passons. Et on a pris donc Joanie. Et alors, la belle petite histoire, c'est que Joanie, en petite avant-première, je l'ai chantée lors de la mucoviscidose. Et sans le savoir, c'est que l'organisateur était le papa d'une petite fille qui était atteinte de la mucoviscidose, qui s'appelait Joanie. Ah oui, ah, d'accord. Voilà, et c'est vrai que ce soir-là, je lui ai vraiment dédié la chanson. Ouais. Et bon, hasard, c'était une belle histoire. Il n'y a pas de hasard, il y a des énergies subtiles. Et plus on avance dans la vie, et plus on se rend compte de ça. Voilà, et c'est vraiment le petit moment de nostalgie restera gravé, que cette chanson a une petite histoire comme oui, ça. Oui. Et c'est magnifique, hein, c'est que du bonheur. C'est sûr. Eh bien voilà Thierry, merci de ton appel. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais... On discute ensemble sur les ondes, les auditeurs ont envie d'écouter des chansons. Hein. Voilà. les chansons parlent mieux que moi, hein, donc... Non, c'est toujours un plaisir de t'entendre, Thierry, tu sais bien. Mais moi aussi. Ah, bien sûr, voilà. Puis bon, voilà. Alors donc, un grand merci à toi, et puis, ma foi, à bientôt, bien sûr. Oui, et puis bonne merci. Continuation. Il fait nuit dans les Vosges, dites-moi. Ah bah écoute, ça commence à tomber là tout doucement. On a encore du jour. Oui. Il y a un sacré décalage entre l'ouest et l'est. Hein, ah, d'accord, ouais, c'est vrai. Bon, on a encore des belles journées, on va dire. Voilà, c'est frais, mais voilà. Il y a du soleil quand même. Oui. Et puis profitez des marchés de Noël. Hein, vous avez ah oui, bien sûr. Oui, on a ce qu'il faut dans la région. Hein. On a ce qu'il faut. Hein. Bon, ben, pas merci Thierry. En tout cas, très bientôt. Et puis bonne fin d'émission. Merci Thierry. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ben voilà, ça fait plaisir. Ah ben je m'en doute un petit peu, je sais pas, j'y pense un petit peu, je vous dis, oh, Thierry, s'il écoute, a l'écoute. Honnêtement, j'y pensais pas. Je savais qu'il allait nous écouter. Ouais. Ben ça fait plaisir. Je sais qu'avec je crois que j'avais reçu Denis aussi. Thierry avait téléphoné aussi. Voilà, c'est toujours, notre Thierry national. Ouais, bien sûr. toujours sympa. Alors, on va revenir là. J'étais où en... Donc, un premier album que tu avais fait, donc de reprises, hein, de chansons romantiques, etc., Philippe. Et en 2015, tu ressors un autre album, 10 nouvelles chansons. Entièrement inédit. L'album Elle. Voilà, et c'est Michel, ton frère, alors là, qui est encore avec toi, qui prend les arrangements. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il avait donc arrêté de jouer en prestation avec moi. Oui. Et il s'était consacré uniquement, je dirais, à des productions, des choses comme ça, et des arrangements. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais lui confier donc tout mon arrangement à Michel. Et c'est vrai que on va dire l'album Elle qui a fait un bon bout de chemin mine de rien. J'étais surpris par on va dire certes par ses arrangements à lui. Le travail le plus dur, ça je pense qu'on en discutera un peu plus tard. Oui. C'était donc sur cet album je suis donc auteur et compositeur. Voilà, ouais, c'est vrai. D'accord. Et c'est vrai que j'ai mis quand même on va dire 1 an et demi voire 2 ans avant qu'il voit le jour. Ouais. Oui, parce que c'est du travail, le temps de composer, ensuite il faut écrire les textes et choses comme ça. Et mais je ne voulais surtout pas abandonner parce que certes que un mois passe, 2, 3, 4 au bout d'un an, on se dit le produit n'est pas encore fini quoi que ce soit. Mm-hmm. Bon, j'ai pas abandonné, je me suis dit on va jusqu'au bout. Et l'album Elle a vu le jour. Et c'est vrai que pour un premier album en tant qu'auteur-compositeur, j'en suis fier. D'accord. Parce que je lisais aussi, donc malgré une apparente décontraction, Philippe est un sacré bosseur. Alors oui, c'est vrai. Non, je veux dire, bon, là, t'es en face de moi, je veux dire. C'est vrai. Avec le sourire et tout, et c'est vrai que quand tu es arrivé, c'est tout de suite on se sent à l'aise, quoi. Je veux dire, t'as de la chance que c'est pas moi qui te reçois chez moi, parce que je pense que tu me verrais trafiquer sur mon clavier, sur mon ordi, tout en discutant avec toi, parce j'ai besoin de ça. C'est bien. La prochaine fois, on va essayer de faire une émission. Chez l'artiste. Non, ça c'est pas mal. Ça. Ah ça c'est pas mal, oui. Pourquoi pas. Justement, on a un petit bon. Enfin, on va pas en parler parce que on a des petits groupes de travail, comme je disais tout à l'heure, hein, tout ça. Quand tu es arrivé, un petit peu, on a des groupes de travail et puis on réfléchit à pourquoi pas faire des émissions un petit peu à l'extérieur pour un petit peu exporter notre radio, faire des petites choses, tu vois. Enfin, bon, ça c'est le voilà. Alors, oui, donc 17h05, ça va. Ça va. On va rattraper notre petit problème hein, technique, bien sûr. Alors, on va écouter une quatrième chanson. Très bien. Voilà. Alors, on en reparlera après. Avec ce titre, Tu me pardonnes. Ouf. Voilà, on écoute. Je rentre tard et toi, tu ne dors pas. Je sais que c'est difficile d'attendre l'artiste qui s'en va. Et pourtant là, je te rassure comme je peux. Ne fais pas pleurer tes beaux yeux. Toi et les enfants, vous êtes tout pour moi. Écoute-moi, tout donner je suis né pour ça. Tout n'est que douceur dans ma voix. Je t'aime bien plus que tu crois. Et tu me pardonnes. Partager tout cet amour avec mon public et toi. Tu me pardonnes, et tu me pardonnes de te faire vivre tout ça. Mais comme toujours et par amour, accepte ce micro et moi. Des nuits que tu revis tout ça. Quand je ne suis pas là, ma vie, tu ne la comprends pas. T'en as pas rêvé comme moi. Et encore une fois, je te rassure là comme je peux. Ne va pas faire pleurer tes yeux. Toi et les enfants, vous êtes tout pour moi. Mais comprends-moi, c'est du bonheur à chaque fois. Quelque chose de magique en moi. Un cadeau du ciel qu'on envoie. Et tu me pardonnes, et tu me pardonnes d'être ce chanteur avec toi. Et partager tout cet amour avec mon public et toi. Tu me pardonnes, oui tu me pardonnes de te faire vivre tout ça. Mais comme toujours et par amour, accepte ce micro et moi. Voilà, tu me pardonnes. Une belle chanson, Philippe. Là. Ah, c'est, oui. C'est ah, une c'est très très belle chanson. Très belle chanson. Tu sais que j'ai fait un petit écart sur l'album avec cette chanson, mine de rien. Oui. C'est que c'est vrai que, on va dire, souvent, tous les chanteurs, artistes, et voilà, ils composent, on va dire, pour toucher un certain public. Oui. Cette chanson-là, je me suis dit, tiens, je voulais offrir un petit cadeau à ma petite moitié, tu vois. D'accord. Ouais, c'est vrai que, elle a été tournée bah, grâce à mon ami Thierry, elle a été tournée de tel sens que justement tous les chanteurs, musiciens oui. peuvent s'y retrouver parce que bah, la chanson en parle d'elle-même. Hein. C'est exactement, le fait de passer 100 ans sur la route, voilà, sur c'est scène. Ce qu'on disait un petit peu aussi tout à l'heure, hein, je dirais bon, bah, les... Pour les femmes de d'artistes ou inversement, je veux dire voilà, c'est hein, ça parle un petit peu de ça cette chanson. Tout à fait, hein, c'est ça. La personne qui est à tes côtés, qui vit à tes côtés, qui te pardonne, qui est derrière toi, je mais pense. Mais tu sais que de rien, elle m'a beaucoup pardonné. Hein, parce que... non mais est-ce qu'elle est à l'écoute là? Alors, enfin, malheureusement non, elle travaille, on lui refait un petit coucou quand même, ça sera sur le podcast. Et je le ferai écouter donc, mais bien c'est sûr. Vrai que à l'heure d'aujourd'hui ceux qui la connaissent oui. Savent ce qu'elle fait dans l'ombre en d'accord contre, oui dans de l'ombre, la musique toujours, ouais c'est ça ouais. Juste pour voilà pour nos auditeurs, c'est elle qui a l'idée de la photo de la pochette. Ah oui. De l'album. Ah oui, ça, je voulais t'en parler aussi. Voilà. Je et c'est vrai que ça, c'est. Ouais, mais ouais. Tu sais, qu'on beaucoup de gens qui ont eu l'album entre les mains, sur le coup, ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'il nous a fait comme photo? Oui, oui. Et avec juste. Allez, ça dure 30 secondes. Ouais, ouais. Avec un petit peu de recul, eh ben oui, c'est un jeu de mots, la photo avec le titre de l'album. Ah, d'accord, oui, oui, oui. Ben, tu vois, tu as l'album en face de toi. Oui. Non, mais oui, c'est vrai. Oui, ok, là, je percute. Mais c'est vrai, quand j'ai regardé la pochette, je me dis, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Puis, alors, la pochette recto. Tout à fait. Hein, puis la photo verso. Alors, si tu regardes vite ta photo verso, ça fait un petit peu drôle, quoi. Oui, je veux dire. Ah, ça fait. Voilà. Non, mais c'est pas. Ça dure, mais ça dure très peu de temps. Oui, bien 10, sûr. 15 oui, secondes. Oui, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que le jeu de mots, bah, c'est elle qui a eu l'idée. D'accord. Et ouais. Je fais de gros bisous et je la remercie. Ah ben, bien sûr, alors on lui fait des bisous. Hein, un gros bisou. On lui fait des bisous. Alors, j'ai un petit message à te passer, donc, Philippe. De Monique Zingrun. Alors Monique, elle nous met bonne émission avec Philippe. Je vous écoute en direct. Petit coucou à Philippe. Ah ben, un gros bisou à toi, voilà. Monique. Voilà, pareil à Yannick également. Hein. Tu lui feras un gros bisou de ma part. Et voilà, ben, je salue tous les auditeurs qui nous écoutent. Ouais, hein. Bien sûr, voilà, c'est gentil. Hein, un petit message comme ça. Merci. Ah ben, ça fait plaisir. Merci à Monique. Hein. Bonne écoute encore. Alors moi, je vais faire un petit coucou quand même aussi à Mado. Alors Mado, c'est mon amie, ma collègue animatrice donc de Radio Puisalène. Bah écoute, alors Mado, si tu nous écoutes... Ah, donc t'es pas inconnu aussi. Appelle-moi du moins, ou demande à Gilles mon oui, téléphone, bah oui. Parce que j'ai une histoire à te raconter. Ah, d'accord. Te concernant. Donc vous connaissez avec Mado. Pas du tout. Pas du tout. Mais ah. Alors, tu sais que, bah, je t'en ai parlé un petit peu, c'est oui. Qu'au mois de février, je suis convié dans le nord de la France. Ah oui, bah oui, bien sûr, ouais, ok. Ouais. Et de but en blanc... On me parle de Mado, alors tout le monde connaît Mado, sauf oui. Moi. Alors c'est pour ça que voilà. Mado, si tu nous écoutes, appelle-moi. D'accord. Alors Mado, si tu écoutes, tu as entendu le message de Philippe. Alors Mado, donc, c'est l'ami, collègue, animatrice de Radio Puisalène dans l'Oise, qui présente tous les mercredis son émission sur un air de romance. Tu tout vois, fait. Encore, on est encore dans le romantique, on est encore dans... Puis Mado, elle adore les chansons là aussi. Alors Mado, je sais pas, il y aurait peut-être possibilité hein, de voir. Mais donc tout à fait. Donc ça, Mado, ça... tu as entendu le message? Ça va, hein, ça un gros plaisir de pouvoir saluer bien sûr, Mado. Bien sûr, elle est très, très, très sympathique, Mado. Et puis, elle dans son émission, là, je veux dire, dans Radio Puisalène, tout ça, ça marche bien. Ça, c'est une belle radio. Si, elle, voilà, y a si un jour j'y suis de passage, radio, en passage là-bas. En passage, par là, ouais. Bah, c'est promis qu'on... On inversera le rôle, c'est-à-dire qu'on de Radio Puisalène, on enverra un bonjour à ici même, Radio Guédouzeau. Voilà, d'accord. Mais bon, c'est vrai que Mado, elle écoute quand elle peut. Bon, c'est sûr, on ne peut pas toujours tout écouter. Moi, j'écoute aussi ses émissions. De temps en temps, on se fait un petit coucou comme ça, c'est sympa, mais c'est vrai. Et puis, alors, voilà, c'est une petite aparté, je le fais rapidement, mais on a eu l'occasion tous les deux, parce que Mado est venu en vacances dans les Vosges quelques jours, et on a fait une émission ensemble, tous les deux, bah, ici, à Radio Guédouzeau. Donc, sympa. Tu avais deux un animateur, une animatrice. Je peux te dire qu'on s'est bien éclaté. Non, mais, c'est... mais tout en. Voilà, on a passé de belles chansons. Voilà, Mado, des bisous. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Philippe, on revient, donc, on revient, je ne sais plus, là, on s'est un petit peu égaré, je trouve. On s'est un petit peu égaré. Donc, en 2017, un troisième album sort. Oui. Avec alors, bon, des reprises aussi, là. Ben voilà, c'était en fait compte... Ah oui, je vois ce que... C'était juste pour faire patienter un petit peu le public. Oui. Parce que, bah, on va dire, la sortie de l'album, elle, leur a plu. Et c'est vrai que, ben... Bah, et ça je pense que beaucoup d'artistes me diront pas le contraire, c'est que t'as l'impression que tu sors un album, ben, le mois d'après, ils veulent déjà le prochain album. Ah oui, ils veulent le prochain album. Ah bah oui, bien sûr, oui. Alors c'est vrai que je me suis dit, bon, ben, ouais, il faut trouver une petite parade pour les faire patienter. Ouais. Et c'est vrai, ben, je me suis dit, je vais ressortir un autre album, de reprise, avec ce que j'aime chanter. Bien sûr. Dans différentes prestations. Et c'est vrai que quand on aime un artiste, on dit bon, vivement le prochain. Hein, c'est vrai qu'on écoute, on se dit vivement le prochain. Mais en faisant cet album, pour faire un petit peu attendre ton public, les gens qui te suivent, est-ce que tu n'as pas eu peur un petit peu qu'ils soient déroutés? Alors je t'avouerais que... Je ne sais pas. Je t'avouerais que oui, je dirais sortir le troisième album qui est Dancing. Je me suis dit, est-ce que ça ne va pas nuire à l'album Elle? Ouais. À ma grande surprise, non. Non. Je pensais, mais voilà, non. Mais voilà, je me suis dit, c'est pas. Certes que j'adore chanter, en prestation, que ce soit du Michel Jonas, j'en passe, d'autres artistes. Ouais. Mais c'est vrai que je m'étais orienté vraiment, une fois qu'on s'est mis dans la composition, on se dit, il faut que le prochain album soit encore des compos. Ouais, justement, oui. Faire découvrir au public ce qu'on sait faire. Oui. Et peut-être le mieux. Bien sûr, oui. Et c'est vrai que... Parce que cette troisième album-là, c'était des chansons dans l'univers chansons sentimentales, des choses comme ça. Excuse-moi, je connais pas le troisième album. C'est vrai que j'aurais dû te... Non, mais c'est pas grave, ça nous permet de débattre. Par rapport, à ce que le public, en prestation, je dirais, les publics, je prends une chanson, La queue du chat de notre ami Dany Briand. Oui. Voilà, ils adorent cette chanson, ils adorent danser là-dessus. Je me suis dit, moi-même, j'adore Dany Briand. Oui, c'est Dany Briand, c'est sympa aussi. On va leur mettre vraiment ce qu'ils aiment. D'accord. Que j'interprète sur un seul CD. Chose faite, je pense, à ma connaissance, je crois qu'il y a même 16 ou 18 titres sur l'album. Oui. Et on va dire, ça leur a plu, ça leur a fait patienter. Mais bien sûr, la dernière nouveauté entre nous. Vient tout balayer. Alors là, je pense. Que... Ça a balayé tout le reste. Tout le reste. Et c'est vrai que, c'est le plus bel album entre nous qui le plus, on va dire peut-être le plus abouti de tous tes albums. Donc là on rappelle toi dans la composition, Thierry dans le texte, voilà les arrangements. Alors j'avais noté M2K. Alors M2K, c'est tu peux me me dire un petit peu m'expliquer. Alors M2K, c'est une abréviation parce que l'arrangeur en question n'a pas voulu qu'on le stipule. Exactement, je respecte son choix, bien sûr, mais ceux qui ont eu la chance de travailler avec cet arrangeur, c'est que du bonheur. Oui, honnêtement, c'est que du bonheur parce que avec soit avec Thierry ou avec mon arrangeur, j'ai toujours laissé carte blanche. Oui, bien sûr. Sur la création des arrangements ou Thierry sur le texte. Et c'est vrai que le retour, il est là. Oui, il est là, bien sûr. Ouais. Alors, donc on écoutait Tu me pardonnes. Là, on va écouter. Oh, ça va, on a encore le temps, c'est bien. On va écouter Parents par amour. Oh, je trouve que c'est une belle chanson aussi. Très très belle chanson. On en parlera après. Donc, Parents par amour. Ça, confier en secret ce bonheur qui était en moi. J'aurais dû, c'est vrai, choisir les paroles d'une chanson pour vous dire je t'aime, empreinte de tellement d'émotions. Mais pas facile, tous ces mots-là. Parents par amour, papa, j'ai tout appris de votre grand amour qui m'a porté et m'a construit. Parents par amour, papa, maman, si j'ai grandi. Parents à mon tour, tout cet amour je donne aussi. J'aurais pu, c'est vrai, vous dire ces mots depuis longtemps. Jamais ça n'était souvent l'endroit et le moment. Mais pas de regret qu'on traîne derrière soi toute une vie. Tant pis si ça fait couler nos larmes, c'est mieux ainsi. Car cet amour est infini. Voilà, parents par amour de Philippe Savana avec nous cet après-midi. Voilà, j'ai l'impression qu'on est là depuis un moment, Philippe. Non, tout à fait. Non mais c'est, hey, non, mais c'est du plaisir, c'est du plaisir parce c'est, que c'est agréable. Non, mais je disais ça parce que bon, les petits produits techniques, les petits problèmes techniques. Mais tu vois, alors, attends, c'est aussi, oui, vas-y, pour revenir à la chanson que tu as diffusée, parents par amour. Parents par amour, oui. J'avais demandé à Thierry de quand j'ai composé cette chanson, j'ai demandé à Thierry d'écrire vraiment une chanson qui pouvait justement toucher tous les parents. Oui. Parce que je suis moi-même parent. Bien sûr. Que ce soit maintenant mes parents, moi-même ou d'autres. Hein. Ou d'autres. Fait que ça touche tout le monde. Voilà, ouais, ouais. Et Thierry, avec ses doigts de magicien, qu'on peut l'entendre, m'a fait donc ce magnifique texte. Et je pense que ceux qui ont pu l'écouter sur le CD, retours, C'est une belle chanson, comme tu vraiment disais, qu'on écoute là, écoute bien sûr. Hein, et c'est vrai que ce qu'on disait justement, oui, en plus hors antenne, c'est que à travers une chanson, on fait passer un message, oui, que malheureusement parfois, quand on a encore nos parents, souvent on ne leur dit pas assez « je t'aime ». Oui, c'est vrai. C'est malheureusement ça, toujours au dernier moment. Des fois. C'est vrai qu'on se dit pas assez « je t'aime ». Alors même généralement. Hein, non, tout à fait. Même généralement, donc là, pour les parents, bien sûr. Exceptionnellement, aujourd'hui, Gilles, je vais te dire je t'aime. Tu vois ? Oui, d'accord. Je ne peux pas dire je te l'ai dit. Oui, oui. Non, mais c'est général aussi parce que, pour les parents, c'est vrai, c'est beau. Puis des fois, on n'ose pas, que ce soit de la part des parents, que ce soit de la part de l'enfant, etc. Il y a une pudeur, comme tu disais tout à l'heure. Hein, voilà. Et puis, il y a aussi cette on ne dit pas assez je t'aime aujourd'hui. Généralement, entre amis, tout le monde. Oui. Hein, c'est ça qui... Et c'est vrai que, comme tu dis, des fois, c'est dommage parce qu'après, une personne disparaît. Puis, oui. Tiens, voilà, C'est vrai que, que ce soit maintenant, on va dire, les amis et la famille, choses comme ça. Et là, même mon public qui me suit, ils le voient et ils le ressentent. C'est que, à travers les réseaux sociaux ou n'importe, c'est que le peu de temps que je peux l'accorder, je l'accorde à 100%. Tu vois ? Oui, bien sûr. Et c'est vrai que parfois, même dans les petits mots, c'est un petit bisou. Alors, c'est vrai que j'évite les je t'aime parce que les je t'aime sont quand même bien spécifiques à telle et telle personne. Bien sûr, oui. Voilà. Bien sûr, oui. Mais malgré ça, c'est la petite attention qui fait du bonheur. Tout à fait. C'est du bonheur, oui. Alors, donc je vais le dire. Ah oui. Marc, parce que j'ai eu une petite dame là qui m'a mis un petit mot par rapport à notre petit problème technique tout à l'heure. Elle m'a dit, mince, Marc n'a pas payé la facture. Non, c'est bon, il l'a. Si on profite pour faire un petit appel au don oui. aux généreux donateurs. T'as raison. Non, c'est Patricia qui a mis ça pour rigoler. Alors, Philippe, donc tu composes. Alors, de quelle façon, toi, quand tu composes, tu dis, voilà, je compose, tu composes comment, de quelle manière, tu t'éloignes dans une pièce, tu composes la nuit, enfin, je donne un petit peu tout ce qu'on m'a déjà dit. Alors, je ne suis pas encore arrivé au stade de me lever là en pleine nuit pour composer. Oui, pas encore. La nuit, c'est fait pour dormir. Mais j'irai, voilà, j'ai ma petite pièce, mon petit studio personnel. Ouais. Et... tu sais que quand je mets mon pied dans mon studio, c'est pas à la base pour dire, bah tiens, maintenant aujourd'hui je vais composer parce que voilà, il faut que j'avance les choses comme ça. Non, je rentre tout simplement avec l'esprit de dire, tiens, je vais jouer. Oui. Peu importe, que ce soit une reprise ou alors bah, un petit air comme ça bah, qui m'est venu en tête. Tout bête. Et voilà, c'est comme ça que je compose. C'est vrai que soit ça vient, soit que ça vient pas. Mmh. Et c'est vrai, je prends maintenant sur le 13e titre où je ne vais pas annoncer encore le titre de la chanson. Oui, tout de suite, oui. Que j'ai composé très rapidement. Comme le titre Elle, qui était donc sur le deuxième album. Oui. Allez, c'était en tant que, du moins, composition, auteur, du moins, les paroles, le texte et la chanson. Allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, j'aurais clôturé l'histoire. D'accord. Parce que bah voilà, c'était mon moment. Oui, c'était le moment de composer. Et voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, comme on dit. Oui, bien sûr, ouais. Et bon, ouais, parfois bah voilà, ça passe pas, alors on met de côté. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de petits projets comme ça qui sont dans l'ordinateur qui attendent peut-être de voir le jour ou peut-être ou peut-être pas, qui va peut-être rester dans un tiroir, enfin on disait dans un tiroir, mais bon voilà, ou qui ressortiront peut-être plus tard. Alors, il y en a quelques-uns que je commence à dévoiler à Thierry, oui, doucement. Bon, après d'autres sont encore en train de travailler, mais bon. Voilà, c'est que des petits projets, oui, mais on verra plus par la suite. Par la suite, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, alors, on va peut-être s'écouter une autre chanson. Oui, bien sûr, on avait dit, hein, on va passer un petit peu, voilà, à date, on est un petit peu perdu, là. Donc, alors, on va écouter, là, elles sont toutes belles, les chansons. On va écouter une autre chanson. Bon, je pense qu'on l'écoute. Et puis tu nous en reparles après, d'accord ? Ne dis pas le titre, laisse-moi deviner. Allez, je dis pas le titre. D'accord. Je dis pas le titre alors. Non, dis pas le titre. On lance la chanson, on dira le titre après. Ok. Par le vent, Voilà, Passeur d'amour. Voici encore une belle chanson. Alors, Passeur d'amour. Alors là, ça, c'est une très belle histoire, ce Passeur ouais. d'amour. Eh ben, écoute, je te laisse. Alors, je te raconte un petit peu cette petite histoire sur Passeur d'amour. C'est que quand je l'ai composée, alors je ne sais plus si elle était prévue à la base en 5e, 6e, 7e position du CD, je ne sais plus. J'ai demandé à Thierry, je dis écoute Thierry, voilà, j'aimerais que cette chanson-là, ça soit un duo. Et il me dit, bah écoute, pas de problème, mais qu'est-ce qui va la chanter? Je lui dis, je ne sais pas encore. Je lui dis, voilà, moi j'aimerais duo. Il me dit, tiens, moi, tu sais, moi je connais très bien. Alors est-ce qu'on va, on dit le nom? Ah bah oui, on va le citer. Ah bah oui, oui. Écoute, je te laisse. Alors il me dit, écoute Philippe, est-ce que tu connais Denis Simon? Et je lui dis, bah oui, Denis Simon, je connais. Ouais. Alors il me dit, bah écoute, tu vois, je pense que vos deux voix réunies, ça va faire quelque chose de bien. Alors j'ai contacté Denis Simon. Qui m'a dit, oui, écoute Philippe, j'ai entendu parler de toi, etc. Mmh. Est-ce que tu peux m'envoyer une trame, la bande-son de cette chanson? Chose faite, je lui envoie, et là, il me dit, Philippe, je te suis sur ton projet, je pose la deuxième voix. Et c'est vrai que Denis, si tu nous écoutes, un grand merci pour cette chanson. Il fait partie de la grande famille. De la grande famille, oui, je dirais de la team Thierry Brenner. Tu sais que j'ai dit à Thierry si on pourrait tous se réunir. Ah oui, c'est sûr. Dans une salle. Oui. Et chanter chacun. Ah oui, je pense. Deux, trois titres de Thierry Brenner. Oui, bien sûr. Et on va commencer le matin, on finira à l'aube. C'est sûr. Non, mais c'est vrai, on lui fait un petit coucou à Denis, donc Denis Simon. Et bon, moi j'ai eu le plaisir, Denis, de l'avoir en studio. On avait fait une émission en Fauneur. Et puis, pour la petite anecdote, je raconte ça. Puis on était un petit peu tous les deux, un petit peu restés sur notre faim, je vais dire comme ça. Parce que bon, Denis m'avait fait découvrir son univers musical, pareil. Bon, voilà. Donc sur cette première émission, on avait passé quelques chansons. Denis m'avait envoyé quelques CD, tu vois. Puis je me dis, c'est pas possible, il faut qu'on fasse une deuxième émission. Non, mais c'est. Voilà. C'est... Et puis bon, Denis, je ne sais plus après le temps, enfin, entre. Oh, je sais pas si peut-être, il s'est passé peut-être un petit mois ou deux petits mois, puis Denis est revenu en studio, en live, et puis on a refait une émission ensemble. C'est vrai que. Alors, mais puis Denis, c'est quelqu'un que. C'est pareil, il est adorable, Denis. Je veux dire, c'est quelqu'un de formidable. Moi, quand je le disais au téléphone, que ce soit maintenant Denis, Thierry, ou même d'autres, quand tu es une petite famille comme ça, ou même très grande, parce que on est plusieurs à se côtoyer. Heureusement qu'à l'heure d'aujourd'hui, le téléphone est appel limité. Ah oui, bien sûr. Je ne dis pas les factures. Hein, oui, je me donne. Mais c'est vrai que je les apprécie et je les embrasse tous. Hein, Parce que je pense encore à Thierry, je veux dire, des fois, il faut un petit peu le freiner quand il appelle. Non, parce que c'est vrai qu'il est très bavard. Mais moi, je sais qu'avec Thierry, on a eu aussi des discussions au téléphone. Mais des fois, on a fait 2 heures. Ah oui, non, mais. On a fait 2 heures. C'est quand on aime, on compte pas. Voilà, exactement. C'est comme ça. C'est tout du bonheur, des échanges. C'est bien. Hein, c'est vrai, c'est magnifique. Moi, j'adore. Moi, je suis quelqu'un aussi d'assez bavard. J'aime bien ce contact et tout ça. C'est bien quand même. Même parfois en prestation comme ça, je prends le cas du dernier concert que j'avais fait, c'était l'année dernière. Avant même le concert, j'avais encore dit à toute la team qui me suivait que je voulais pas me montrer. Malheureusement, chose a voulu que j'étais appelé en salle. Oui. Je suis allé et bien sûr de là, tu sais. Alors bien sûr. Ah oui, bien sûr. On s'approche de toi, on essaie de discuter un lettre, l'autre, etc. Et mais vraiment, moi j'ai dit, mais si vous voulez que je chante, il faut me laisser monter sur scène. Et c'est vrai que c'est des petites anecdotes. C'est vrai que ça fait plaisir. Hein, et puis, comme je dis souvent aussi, une fois que tu as fait un album comme ça, je veux dire, après les chansons, tu me diras si je me trompe, j'ai l'occasion d'en parler. Je dis après les chansons, une fois que le public a bien écouté, etc., les chansons, elles ne t'appartiennent plus après. Elles appartiennent au public. Tout à fait. Je ne sais pas si tu le sens comme ça. Tu me crois ou pas? On va dire, avec un mois de commercialisation, le public connaît déjà, on va dire, mieux que moi, mes chansons. C'est impressionnant. Ça, je comprends bien. Alors, je redis, quand j'ai écouté, je veux dire, ces chansons-là, elles te restent dans la tête. Ah oui, non, mais c'est vrai. J'ai eu le cas récemment où c'est vrai que j'ai chanté deux, trois chansons de mon album et on est venu me voir, on me dit, écoute, Philippe, tu peux me faire celle-ci? J'ai dit, allez, pour le plaisir, oui, oui. Je fais donc, je crois que c'était Si follement amoureux. Et je l'ai chanté, et c'est vrai que bah, quand tu voyais les lèvres des personnes qui bougeaient en même temps que tu chantais, et au bon moment, tu dis, mais c'est incroyable, ils connaissent vrai, les paroles. Mais quand tu aimes cet univers, enfin, c'est ce style de chanson, je veux dire, mais dans ton album, je dirais, il n'y a rien à enlever, quoi. Il n'y a rien à enlever. Tu les écoutes toutes. Enfin, moi, je dis, j'adore. Enfin, moi, j'adore toutes ces chansons-là. Je te le dis à toi, je l'ai dit à Denis, à d'autres artistes. Bon, c'est vrai, parce que c'est mon univers, la chanson. Voilà, romantique, ça a toujours été. Mais c'est vrai que c'est toutes des belles chansons. Tout à fait. C'est toutes des belles chansons. Il y a... Bon, certains font des fois un CD avec deux titres, et puis après le reste, bon, c'est pas terrible. Ça fait deux chansons comme ça qui voilà ok mais que, tu vois, bah, tu après vois, on laisse le CD parce que c'est pas mais là c'est toutes des belles mélodies moi ce que c'était un petit peu le mot d'ordre de toute l'équipe hein. C'était certes on va dire le premier morceau qu'on avait fait je pense que je vais pas me tromper Thierry sinon il va m'en vouloir c'était Dès qu'on s'aime et c'est vrai que quand on a mis Dès qu'on s'aime en place avec donc tout l'arrangement final on s'est dit, là, on a fait quelque chose de magnifique. Oui. Il fallait, le mot d'ordre, c'était, on voulait pas que ce soit, aucune chanson ne soit en dessous. En dessous, oui, je comprends bien, d'accord. Ouais, et bah, c'est vrai, bah, voilà, l'album, il est d'accord. Plus que magnifique. Alors, on va l'écouter, cette chanson. Dès qu'on s'aime. Ah, tu l'as on va l'écouter, mais, alors, je dirais, est-ce qu'on pourrait dire que, alors, ben non, en fait, ton album s'intitule Entre nous. On est bien d'accord, mais est-ce que Dès qu'on s'aime serait un peu le titre éponyme de l'album? Alors, je dirais... Oui, ok. Ah, on a quelqu'un au téléphone. Alors, attends, excuse-moi. Oui, oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Denis Simon à l'appareil, bonjour. Ah, bonjour, oh, Denis. Bah, c'est bon, oui, on va avoir toute l'équipe si ça continue. Voilà, alors, je viens de rentrer et puis je viens de découvrir ce magnifique duo, cette très belle chanson de Philippe. Oui. Alors, bonjour Gilles, tout d'abord. Bonjour Denis. Salut mon tout petit Philippe. Salut Denis, comment vas-tu? Ouais, écoute, pas mal. Je suis content pour toi parce que vous faites quelque chose de très très bien. Alors Gilles, je te rassure, je ne vais pas rester 2 heures au bout du fil. Hein. Oui, d'accord. D'accord Denis. Voilà. Ben écoute, je suis... Mais c'est gentil. Ben écoute, je me suis dit, allez, je vais faire un petit coucou parce que nous sommes très amis, Gilles et moi, et puis Philippe et moi, nous sommes très amis. Ouais, nous passons bien sûr. Notre vie ensemble. C'est vrai, ouais. Ouais. Alors, on peut dire ça, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je crois qu'il n'y a pas, pas une semaine où on se téléphone, où on s'envoie un petit sûr. Mot. Parce que, au bout d'une semaine, on s'inquiète. C'est d'accord. Quelque chose qui ne va pas. C'est que du bonheur. Bah écoutez, moi je ne veux pas vous soutenir, je ne veux pas vous prendre de votre temps, je voulais simplement faire un petit coucou, vous montrer que je suis à l'écoute. Évidemment, je vais écouter toute l'émission un peu plus tard. Oui. Dès qu'elle sera donc à l'antenne, parce que je n'ai pas eu la possibilité, parce que je travaille beaucoup aussi. Oui, oui, c'est vrai. Alors, je t'attends bientôt, Denis, aussi. Ben écoute, je travaille d'arrache-pied sur mon nouvel album qui doit sortir en principe, sûrement au mois de février. Ouais. Et là, je travaille pour mon clip, mon nouveau clip qu'on va tourner mercredi prochain. Et voilà, donc j'ai beaucoup de boulot, mais c'est toujours un plaisir de parler avec des gens sympathiques comme toi, Gilles. Merci, et Denis. Ben, professionnellement avec Philippe. Bien avec sûr, ouais, c'est pareil. Voilà. Denis, pour faire bref, ça je vais expliquer justement à Gilles en hors antenne, c'est que on était tous les deux en simultané quasiment en studio, et c'est vrai que un petit peu à cause de moi, il a pris un petit peu de retard sur son album, mais il a un public formidable qui est patient, c'est que du bonheur. C'était que du plaisir, le pauvre N2K, il devait partager son temps entre Philippe Savana et Denis Simon. Oui, voilà. C'est ce qu'on disait, ouais. Il y a passé, le pauvre, il était un petit peu submergé, il avait beaucoup de choses à faire, mais Philippe était prioritaire sur moi parce qu'il devait sortir son CD en septembre et il a attendu le bon moment et il est sorti au bon moment. Et puis bon, ça a bien impacté sur les gens. Je veux dire que la saison à laquelle il a sorti son album, oui, c'est une très bonne saison pour lui. D'accord. Ouais. Voilà, donc ça se passe bien pour lui. Il fait des ventes, il fait des prestations, tout va bien pour lui. Je voulais vous dire quand même, enfin bon, Philippe est à côté de moi, Denis, je veux dire bravo pour cette belle chanson, enfin ce beau duo, je veux dire, c'est magnifique. Enfin, moi, je. Ah bah, quand on la chante tous les deux. De Gilles, oui. Moi, je n'ai pas fait grand chose sur cette chanson. C'est Philippe qui a écrit la chanson, les arrangements sont de M2K, oui, et puis le texte est de Thierry. Moi, je n'ai fait que de poser la voix. Oui, donc, bien sûr, oui. Mais bon, c'était... Tu sais, quand je l'ai écouté, j'ai écouté déjà bon, les chansons de Philippe, bien sûr. Voilà, je commence à travailler comme ça. Quand on m'envoie un album, j'écoute les chansons. Et puis, à un moment, donc c'est sur la dernière, hein, la 13. C'est le petit bonus, ça. Hein. Le petit bonus. Et puis, j'écoute, mais je dis, bon sang, mais c'est une voix que je connais, ça. Donc voilà, Denis. Non, mais c'est vrai que là, vous avez fait quelque chose de bien, tous les deux. Et puis, c'est formidable d'entendre votre, je veux dire, l'amitié, enfin, etc., que vous avez, et puis le travail que vous avez fait tous les deux. Oh, tu sais, Gilles, l'amitié dans ce métier, c'est très important parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, Il n'y en a pas beaucoup dans ce métier. Et c'est plutôt très difficile d'avoir des amis musiciens dans ce métier, oui, parce que tu sais comme moi comment ça se passe. Voilà, bon, il y a pas de commentaires sur ça. Non, bien sûr, mais je connais. Mais ce problème-là est inexistant avec Philippe et moi. Nous sommes une famille. Bien, oui, c'est bien. C'est voilà, sûr, ouais, c'est Philippe, vrai, est un garçon se charmant. Il est d'une gentillesse incroyable. Et ah oui, je confirme. J'aime beaucoup son épouse aussi. Et puis oui, voilà, je te rassure, Gilles, hein, je ne l'ai pas payé pour dire tout ça. Hein. D'accord. Ah si. D'accord. Non, mais c'est bien. Non, mais ça fait plaisir comme ça. Je veux dire, bon, bah, on a eu un petit coup de fil, tu sais, tout à l'heure de Thierry. Voilà. Et puis, il m'a appelé, mais le bougre m'a appelé entre temps. Il m'a dit, ouais, je viens de téléphoner à Radio Gémozo, machin. Vas-y, fais un petit coucou à Philippe et Gilles, ça va leur faire plaisir. J'ai dit, mais non, mais je ne veux pas, c'est l'émission à Philippe, je ne veux pas, voilà. Mais bon, je n'ai pas pu m'empêcher après cette chanson, je suis dans le feu de l'action, je n'ai pas pu m'empêcher de vous appeler et de vous saluer tous les deux. Vous faites du bon boulot, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est très bien. Non, mais ça fait vraiment plaisir, Denis, Merci, Denis, de t'entendre, vraiment, ça fait plaisir. Et puis, moi, je te dis à bientôt, hein, ma foi. Ben, en février, on se voit en février-mars. Ouais. Sûrement, mais très certainement. D'accord, hein, ok, de toute façon on reste en contact, bien sûr. Voilà, on garde contact, et puis bon, Philippe, je le sais par avance, je vais l'avoir demain ou après-demain au téléphone, ça c'est sûr. D'accord, ça c'est... Oh oui, ça c'est quasiment sûr. Hein. Non, c'est... On a rencontré tellement de choses à se dire, parce qu'en plus il m'a envoyé, avant de prendre l'antenne, je dirais, c'était un petit message qui m'a fait plaisir, mais ça je n'en dis pas plus. Oui. Et voilà, il y a des choses qu'on projette dans l'avenir. Et... Bien sûr, ouais, c'est vrai qu'il faut... Il y a beaucoup de projets, voilà. et puis juste pour finir, Gilles, tu sais ce que j'ai fait hier? Non, dis-moi, Denis. Hier, j'ai travaillé pour Philippe Savana. Ouais. Parce que je lui ai présenté un titre de ma compo. Ouais. Il adore. Et hier, j'ai profilé un petit peu. Voilà. Donc, je vais lui proposer ça dans un avenir très proche. D'accord. Et il me dira s'il aime ou il n'aime pas. C'est lui qui décide. C'est lui le décideur. Mais j'ai travaillé pour Philippe Savana hier et je n'ai rien gagné. D'accord. Mais là, il va te payer pour ce que tu as dit. Pour en dire un petit peu clôturer, ça je pense que Denis va me rejoindre là-dessus. C'est vrai que tu sais que souvent je dis entre artistes, musiciens ou chanteurs, qu'ils soient petits, bons, mauvais ou très bons ou grands, n'importe. C'est le respect de chacun. Le respect, bien sûr. Et ça, c'est vrai que voilà, toute l'équipe qu'on se côtoie, on a un respect total. Même s'il y a des hauts, des bas, c'est vrai que c'est comme ça. Je pense que quand on est artiste, aujourd'hui, qu'on soit bon ou mauvais, malheureusement, il y a des choses qui arrivent. Hein. Oui. C'est surtout le respect de la personne en elle-même. D'accord. Voilà. Moi, je dis que tout le monde a sa place. Moi, je respecte tous les musiciens, tous les chanteurs, même s'ils sont moins bons que d'autres, ils essayent de faire de la musique, ils essayent d'emmener du plaisir aux gens. Et voilà, je respecte tous ces gens-là qui soit bon. Ben voilà. C'est ça, tu, comme tu dis, Denis, là, tu vois, tu dis du plaisir aux gens, ben, quand on écoute Passeur d'amour. Alors ah, là, c'est, ah, je veux dire, là tout est dit dans cette chanson. Hein, c'est... Alors, tout est dit dans cette chanson, c'est une mélodie extraordinaire qui a une comment dirais-je, un impact. C'est-à-dire que c'est très facile à retenir. Ah oui, oui, mais c'est vrai. Mais tout ce qui est très facile à retenir est très difficile à composer. Voilà, ça, je suis tout à fait... Même s'il a fait très vite, Philippe, je veux bien lui croire. Moi, j'ai bien composé « Elle priait » en 5 minutes. Mais, oui. Qu'il ait composé en 15, en 30 minutes ou 45 minutes, ça c'est sûr, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Bien sûr. Mais de faire des titres qui se retiennent facilement, oui, c'est très difficile. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut être dans un bon état d'esprit pour faire ça. Et le jour où il a fait ça... Eh ben, il était dans un bon état d'esprit, il avait une bonne étoile au-dessus de lui. Voilà. Ouais, tu sais, j'étais entre une assiette à laver et, ouais, et surveiller le steak à train de crier. Mais non, voilà, c'est le petit brin d'humour. Okay, mais c'est vrai, bien sûr. C'était le bon moment. C'est une mélodie qui rentre facilement. Et, ah oui. Et solfégiquement, c'est entraînant. Ça veut dire que ça te pénètre, c'est une mélodie qui te pénètre. Oui, c'est vrai, et ça reste bien, je veux dire, dans la tête, je veux dire, même les autres chansons, hein, de l'album de Philippe. Je veux dire, moi, je l'ai écouté, je veux dire, je veux pas non plus me... Mais il y en a peut-être 3-4 que je serais déjà capable de lui fredonner, quoi, tu vois. C'est des chansons qui nous... Quand on aime bien cet univers-là, c'est des chansons qu'on retient, comme tu dis. C'est des chansons, je veux dire, c'est pas péjoratif, mais... Enfin, je sais pas si je peux employer le mot populaire, mais... Et comme tu disais, les chansons-là sont difficiles à écrire. Tu peux, parce que c'est vraiment une mélodie populaire qui reste Là, et ça c'est bien. Et ça c'est important. Et ça nous fait du bien. Tu écoutes Passeur d'amour une seule fois, elle n'arrêtera plus de t'envahir pendant des jours. Ça, c'est très difficile à faire. Mais Philippe, il a réussi cet exploit. Et bravo à lui. Voilà. Merci. D'accord. Denis. Bah, écoute, Denis, merci beaucoup. Je te remercie pour ton appel. Ça fait plaisir vraiment de t'entendre. Ça faisait longtemps que je t'avais pas entendu. Philippe, t'avais entendu. Moi, ça faisait longtemps. bien que je réécoute quand même tes chansons. Et tes chansons passent de temps en temps quand même dans l'émission Coup de cœur. c'est normal. Et je passe à travers mon intervention, je passe un petit bonjour à Mado de Radio Puisalène. Mado de Radio Puisalène, ouais. J'ai déjà été là-bas aussi plusieurs fois, donc bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs de Gémozo. Merci à toi, Gilles. Et, d'accord, Denis. Philippe. Oui. Je t'aime. Oh, ben voilà. Enfin, tu sais quoi, mine de rien, je pense qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup qui vont se dire je t'aime, hein, mine de rien. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. On se fait des bisous, on se dit je t'aime et tout. Tu parlais des petits je t'aime tout à l'heure, donc voilà, moi je t'aime aussi. Voilà. Bah c'est réciproque, hein. Un gros bisou à toi. Voilà. Écoutez. Merci Denis. Les gars, merci beaucoup. À bientôt. Tu fais des bisous aussi à Louane qui était venue la première fois avec toi. Oui. Ah, je dis ça. Et puis des bisous à ton épouse Carole aussi. Elle a bien grandi et merci. Oui, elle a bien grandi, je sais. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Ok, merci. À bientôt Denis, merci. Bonne continuation à tous les deux. Salut Gilles, salut Philippe. Salut, bye bye Denis. Bye bye. Ah voilà, c'est sympa. Hein, ouais, c'est vrai qu'on a l'impression, tu vois, comme dire, on est dans d'être une petite famille. Tout à fait. D'être dans un salon où on échange, on partage. Ce qui est plaisir, c'est que il a téléphoné juste au moment après que tu as passé d'amour. Oui, c'est ça que ça fait plaisir parce que bah voilà, il a intervenu sur ce petit bonus qui est sur donc le CD. Ouais, d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait partie, non, certes, de l'album, oui, mais en plus de la grande famille. Hein. Mmh. Mais je dis c'est formidable comme ça, c'est beau, moi je trouve ça beau, franchement, je pense que j'encourage à différents artistes, petits ou grands, voilà, c'est ces petits moments de partage, tu vois, ouais, certes, des petits duos comme ça ou n'importe, parce que, on va dire, qu'on soit de tel ou tel domaine, aujourd'hui ça se fait de plus en plus, hein. On voit des rappeurs qui se mélangent avec la variété française, c'est magnifique, il y a de beau travail, franchement dit. C'est vrai. Alors, Philippe, on est là aussi pour la promo. Tout à fait. Ah, dis, quand même. Alors, on peut se procurer ton album. Donc, entre nous, alors, on peut se le procurer de quelle façon? Alors, on va dire la solution la plus simple, c'est d'aller sur mon site officiel philippesavannah.fr. Ouais. dans la partie discographie. Et là, vous avez donc les 4 albums, dont le dernier, entre nous. D'accord. Vous avez juste à cliquer et bien sûr, c'est une, comme une précommande. Mmh. Et je vous contacte pour finaliser la commande. D'accord, d'accord. Alors, mesdames, je m'adresse à vous. Voilà, vous êtes à l'écoute, bien sûr. Et donc, voilà, un bel album que je vous recommande, voilà, de Philippe Savana, qui est avec nous cet après-midi. Alors, on va écouter encore une chanson. Il est 17h52. On a parlé d'amour, tout ça, de choses. Alors voilà, on va écouter Dès qu'on s'aime. Dès qu'on s'aime, donc titre extrait de l'album de Philippe Savana que j'avais le plaisir, que j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui dans nos studios. Philippe, je te remercie beaucoup, voilà, de ta présence. C'était franchement un bonheur de te recevoir, partage. C'est vraiment le bonheur est partagé parce que bon, voilà, c'est que du plaisir d'être ici avec toi et d'accord, d'avoir merci, pu présenter mon nouvel album entre nous, et voilà, que ce soit à tous nos auditeurs francophones et bien sûr Suisse, bah, de toute façon c'est soit même peut-être Suisse allemandique ou je ne sais pas. Bien sûr. Même l'Italie, tu m'as parlé d'Italie aussi, l'Italie bien sûr, ouais. OK. Donc voilà. Alors amis auditeurs, auditrices, donc voilà, j'espère que l'émission se termine, j'espère que cela vous aura plu. Je vous annonce dans quelques minutes donc l'émission de mon amie collègue animatrice Lou dans l'heure des loups. Donc ce soir la playlist c'est 18h 18h30 spécial Queen. Et 18h30, 19h, Blonde Stone, qui participera au festival Roche au Lac à Gérardmer. Voilà, portez-vous bien à tous, portez-vous bien. Bonne soirée à tous, bye bye, à bientôt, au revoir. Même avec des larmes aux yeux, on chantait, ça va mieux.